sent à passer. Pas assez junk, s'entend, c'est impossible, s'entend. Des coups de main, on s'entend. Incident, du changement. Si un an, trop de chargement. Si deux ans, trop fréquemment. Si trois ans, on fout le feu. Dans la place, sneak, la chemise, c'est l'imposteur. On déplace de l'or, c'est sûr, à ce temps, on veut des gros salaires. Je m'efforce de garder mon salaire. Je m'efforce pour rester MC comme Solar. Salaire que tu me vois descendre, moi j'ai hâte que tu me vois monter comme une étoile. Mais pas dans le système solaire. Mais pas ce star, pour voir mon crew sur poster. Mais pas ce star, on monte les stars, jamais je vais me taire dans un terrier. Jamais tu vas pouvoir me faire taire, car je te guéris. On est des frères d'armes, on évite de faire couler les larmes. Mon shit vient te chercher dans le chest comme un coup de lame. Playboy en détresse, avec un graisse, la vie t'agresse. Faut que tu progresses, pas que tu régresses. Tout ce qui reste c'est ton adresse, faut que t'évites la maladresse. Pis si tu me cherches, tu connais mon adresse. C'est comme une bitch, j'ai toujours plein mes bits. Mais je m'en crie si tu récoltes ce que tu mérites. J'ai pas toujours fait les bons choix, mais c'est comme ça la titre. J'ai appris de mes erreurs, c'est comme ça qu'on fait ici. Mais pourquoi sur moi la vie s'achante ici? J'en mange chaque jour d'un point indécis. J'ai pas vu grand chose de bon jusqu'ici, à part avoir découvert mon talent d'MC. C'est le MC qui me tient en vie, puis je le remercie. That's for real, ça se passe ici, reste ici. Rive Sud 450, je représente Fuck ST. Le hip hop, c'est ma vie, c'est ça que j'ai dit. Après un track d'écrit, chante au jour que j'ai vieilli. C'est un besoin vital d'être en harmonie avec l'instrumental. Ça m'empêche de perdre les pédales. Puis d'un fucking mental, je vois de la boue pour oublier que j'ai mal. Je pense souvent à mon passé qui me faisait rusher. À ce temps, j'ai trouvé ma porte de sortie. C'est rapper. À mes côtés, y'a Frank Bill Alchimiste pour m'appuyer. Jour après jour, mon shit, je l'ai perfectionné. C'est pas la perfection, mais jamais je vais lâcher. Écrire, c'est ma vocation. Faut ceux qui trouvent ça con. Ça travaille toi, travaille moi, travaille nous que je trouve l'inspiration. Frère d'armes, un nouveau son en direct de 5 ans. On arrive, faites attention, attention, attention. Avec un graisse, la vie t'agresse. Faut que tu progresses, pas que tu régresses. Tout ce qui reste c'est ton adresse. Faut que t'évites la maladresse. Pis si tu cherches, tu connais mon adresse. Life pour la vie, yo, je m'exprime, c'est minime. Ça se contrôle pas comme les sims, comme dans un champ de mine. J'sais jamais où mettre le pied, j'sais jamais quand le boom arrive. Ça, je me sers de mes rimes, yo, ça mène, mène, ça vide, ça remplit mon vide. Quand j'suis en avant de ma feuille, j'ai comme un petit sentiment qui remonte tout par en dedans. Ça fait sortir de mes chats, ça, qu'après un track, je me sens toujours forçable, pis un peu moins menaçant. Astique, c'est stressant, point final, tu m'entends, yo. Les mots agissent jamais, la colère monte par après. Style de bois qui sort bien, jusqu'à temps qu'ils partent au vent. Y'a jamais de mise de mérite à celui qui agit en brut, celui qui m'a. Pour être comme eux, mon commun dit que je peux penser à côté de la butte, mais je la trouve pas mal abrute. C'est comme ça qu'on assume, en pensant à une cause de plus. Tabarnak sans mansade, les études causent malades. Ceux qui se privent dans une cave, incapable de faire surface. Impassable, lève la tête, Frank Style. Check mon sound, one mic, faut que ça bounce. That's for real, that's for life, pour la vie qui m'étourdit. Check, check ça. Boyer de tresse avec un graisse, la vie t'agresse. Faut que tu progresses, pas que tu régresses. Tout ce qui reste c'est ton adresse. Faut que t'évites la maladresse. Pis si tu cherches, tu connais mon adresse. Reste ici, district 450, secteur H. On représente, représente, représente, représente.